passa un jour près de deux tombes. Puis il dit, « Ceux-là sont châtiés, mais ils ne sont pas châtiés pour grand-chose. » Puis il reprit, « Mais pourtant ce sont des grands péchés. » L'un d'eux se met la discorde entre les gens en répandant la calomnie parmi les gens. Quant à l'autre, il ne prenait pas garde de se souiller en urinant. Et dans une autre version, rapportée par l'imam Ibn Hibban, et dont la chaîne de transmission est jugée authentique par Sheikh al-Albani, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, celui-ci a dit, un jour nous étions avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, puis nous sommes arrivés devant deux tombes, et là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tint debout ainsi que nous. Puis son visage changea d'apparence et il dit alayhi salatu wassalam, entendez-vous ce que j'entends? Et alors on lui dit, qu'est-ce que c'est? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là sont châtiés, mais ils ne sont pas châtiés pour grand chose. L'un d'eux faisait du mal aux gens avec sa langue et répandait la calomnie, tandis que l'autre ne prenait pas garde de se souiller en urinant. Allah Jalla wa Ala a ainsi montré à son messager sallallahu alayhi wa sallam ce qui se passait pour ces deux personnes et lui a montré également la cause de leur châtiment, à un tel point que son noble visage lumineux changea d'apparence. Et ainsi, ayyuha l'ikhwa, telle est la cinquième cause du châtiment de la tombe, à savoir An-namima, le fait de faire du mal aux gens par le biais de la langue, et ce, par la calomnie, et par la médisance, et par le mensonge, et par tout mauvais propos. Et la définition exacte d'An-namima, c'est le fait de diffuser et de répandre des propos entre deux personnes, ou entre deux parties, dans le but et afin de semer la corruption, la discorde, le désordre, le mal, l'acharnement et la haine entre les gens. An-namima min asbab azab al-qabr est ainsi une cause parmi les causes du châtiment de la tombe. Et c'est certes une maladie mortelle qui a atteint beaucoup de langues. Une maladie qui est devenue un symbole, une attitude et un comportement chez les personnes brûlées par le feu de la jalousie, par le feu de la haine et de l'animosité, lorsqu'ils observent et lorsqu'ils constatent chez les musulmans l'union et l'entente chez les frères et les bien-aimés. Et alors ils se précipitent et ils accourent afin de semer la corruption et afin de semer le désordre entre eux, et ce, afin de couper et de rompre ces bonnes relations. Donc, an-namima, le fait de semer la discorde entre les gens, est un moyen de diffusion qui détruit les bonnes relations entre les frères, entre les proches et entre les gens. Et certes, elle s'est beaucoup propagée, et les gens ne font plus attention à ce grand péché. Et la preuve en est le fait que les relations entre les gens se soient coupées et rompues, jusqu'à ce qu'un frère abandonne un autre frère, pour la moindre des choses, et peut-être parce qu'il a dit quelque chose sur lui. Et certes, combien de fois cet acte désastreux a éloigné le père de son fils et a éloigné la femme de son époux, et combien de frères en Allah se sont rassemblés et se sont aimés pour Allah dans la mosquée d'Allah et sur les prescriptions d'Allah pendant des années. Et alors une troisième personne rentre et s'insère entre deux, le cœur plein de jalousie et de haine, et montre à ses deux frères une apparence d'amitié, de bonté et d'amour, et se montre ainsi pour l'un avec un visage, et pour l'autre avec un autre visage, puis il transmet ce qu'a dit l'un à l'autre, et vice versa, et ce, avec l'intention de semer la discorde entre eux, et avec l'intention de semer la corruption entre eux, jusqu'à ce qu'ils parviennent à couper, et à détruire cette relation, et à détruire cet amour entre eux, et il est ainsi la cause de l'abandon de ce frère par ce frère, et tel est ce que l'on appelle an-namima. Et certes, la personne qui la commet, rien ne lui sera utile, ni sa prière, ni son jeûne, ni ses aumônes, ni son pèlerinage, et ni ses autres bonnes œuvres. Comme il fut rapporté par l'imam Abu Daoud, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Darda, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, le fait de semer la discorde entre les gens Certes, le fait de commettre un namima est l'équivalent d'un rasoir. Et dans une autre version qui est bonne, il dit, je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, mais qu'elle rase la religion. C'est-à-dire qu'elle rase la récompense des œuvres. Alors, ô toi qui accomplis la prière, ô toi qui jeûnes, ô toi qui as fait ton pèlerinage et qui te précipite vers le bien et vers les aumônes, méfie-toi de ta langue dont tu t'es servi pour rompre les liens de fraternité entre les frères et les bien-aimés. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission bonne, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs parmi les serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsqu'on les voit, on invoque Allah. Et je demande à Allah que l'on soit parmi eux. Les meilleurs parmi les serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsqu'on les voit, on invoque Allah. Et les mauvais parmi les serviteurs d'Allah sont ceux qui commettent an-namima, c'est-à-dire ceux qui sèment la discorde entre les gens, ainsi que ceux qui sont la cause de la rupture entre les bien-aimés et ceux qui recherchent les défauts des innocents. Telles sont les mauvaises personnes, ibad Allah. Et combien de fois et à combien de reprises an-namima a séparé la femme de son époux s'ils se disputent, alors que c'est une chose tout à fait normale, une troisième personne, homme ou femme, va se mêler de leurs affaires, mais non pas pour arranger les choses, mais afin de semer la discorde et la corruption entre eux, en transmettant ce qu'a dit le mari à l'épouse, et vice-versa, jusqu'à ce qu'ils divorcent, et jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus vivre ensemble. L'imam Abu Daoud a rapporté avec une chaîne de transmission jugée authentique, par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait en sorte que l'époux déteste sa femme n'est pas parmi nous. Ainsi, quiconque fait détester une femme à son mari et vice versa, qu'il sache que le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam s'est désavoué et s'est innocenté de lui, n'est pas parmi nous celui qui sème la discorde. Et n'est pas parmi nous celui qui sème la corruption entre les gens, entre les musulmans. Et le véritable musulman est celui qui ne fait pas de mal aux gens, même avec sa langue. L'imam Ibn Qudama, rahimahullah, nous fait ainsi le récit d'un homme un jour qui acheta un esclave au marché, à condition qu'il ne mente pas et qu'il ne commette pas un namima. Puis après une période, cet esclave vint dire à la femme de son maître que son mari voulait se marier et que si tu voulais que je t'aide, il s'adresse à la femme et lui dit, et que si tu voulais que je t'aide, alors afin qu'il ne le fasse pas, prends le rasoir et attends qu'il s'endorme afin de raser sa barbe. Puis cet esclave même partit voir le mari et lui dit, ta femme veut te tuer lorsque tu dormiras. Regardez comment cet esclave a mis et a semé la discorde entre les deux. Et alors le mari fit semblant de dormir. Et la pauvre femme vint avec le rasoir afin de lui raser sa barbe pour qu'il ne l'aime plus. Et ne s'est pas rendu compte de cette ruse. Et au moment où elle voulut lui raser sa barbe au niveau de son cou, le mari se leva et la tua. Puis la famille de la femme tua le mari. Telles sont les conséquences d'un namima. C'est le divorce, et voire même le meurtre et la mort. Et celui qui commet un namima ne peut être qu'un shaitan, ayant l'apparence d'un être humain, mais que tu ne peux reconnaître, car il vient te voir avec un visage, puis il repart vers l'autre personne avec un autre visage. Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit, vous verrez les mauvais gens avec deux visages. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, selon Abi Hurayrat radiallahu anhu. Et ils sont absolument, ceux qui commettent un namima, sont absolument comme les hypocrites, que tu ne peux pas connaître, car ils te montrent l'amitié et l'amour, mais en vérité ce sont des véritables shayatines, sous l'apparence d'êtres humains, qui veulent détruire les relations de fraternité. Dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, selon Ammar ibn Yasari, radiallahu anhu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque avait deux langues dans ce bas monde, aura deux langues de feu le jour du jugement. Et dans une autre version, il dit, alayhi salatu wa sallam, quiconque avait deux visages dans ce bas monde, aura deux visages de feu le jour du jugement. Mais est excepté de cela le fait d'agir à duplicité et le fait de masquer ses sentiments à l'égard d'un injuste afin d'éloigner son injustice, comme a rapporté l'imam Abu Daoud. Selon Abi Darda, radiallahu anhu, celui-ci nous dit des fois, on sourit à des gens, mais au fond, nos cœurs les maudits. Mes chers frères et sœurs, sachez qu'Allah Jalla wa Ala nous a interdit d'obéir à celui qui sème la discorde entre les gens et à ceux qui commettent un namima. Il nous a également interdit de les croire, car certes, ils ne peuvent pas être véridiques. Allah Jalla wa Ala nous dit, « Wa la tuti' kulla hallafin mahin » et n'obéis à aucun jureur méprisable, car le fait de jurer est une preuve de mensonge. « Wa la tuti' kulla hallafin mahin » Hammazim masha'im binamim, grand diffamateur et grand colporteur de médisance, c'est-à-dire grand commetteur de namima. Donc celui qui commet un namima n'est pas véridique. Et il ne peut être qu'un menteur dans ce qu'il dit et dans ses actions. Et c'est pour cela qu'un jour, le calife Sulayman ibn Malik appela une personne et il lui répondit, on m'a dit que tu as dit du mal sur moi. Et que tu as dit ceci et cela. Et alors la personne lui dit, je n'ai pas fait cela et je n'ai rien dit. Et alors le calife lui dit, mais la personne qui me dit cela est véridique. Et alors là la personne lui dit, la personne qui fait an-namima ne peut jamais dire la vérité. Et alors le calife lui dit, va avec la paix sur toi, car certes tu as raison. An-namam, celui qui sème la discorde entre les gens avec sa langue, celui qui commet an-namima ne peut donc pas être véridique en aucun cas. Et c'est pour cela que Yahya ibn Abi Zukayr nous dit, celui qui fait an-namima sème entre les gens pendant une heure une discorde que le sorcier ne pourra jamais semer pendant un mois. Celui qui fait an-namima sème entre les gens pendant une heure une discorde que le sorcier ne pourra jamais semer pendant un mois. Et de plus, Mu'ad nous dit un jour, si un jour tu rencontres un frère en Allah, n'écoute pas ce que l'on te dit de lui, car c'est possible que quelqu'un te dise quelque chose de lui qui n'est pas vrai et qui sera la cause de votre séparation. Et le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit un jour, savez-vous qu'est-ce qu'est l'ad? Ils dirent non. Alors il dit alayhi salatu wa salam, c'est un namima et la transmission des paroles entre les gens. Alors il faut absolument éviter de transmettre les paroles entre les gens, car certains le font et prétendent qu'ils ont de bonnes intentions. Et alors nous lui disons, si tu avais certes de bonnes intentions, tu n'aurais pas transmis ces paroles d'une personne à l'autre, car cela est possible que la deuxième personne comprenne mal ce que tu lui dises, et alors tu serais certes la cause de la discorde et de la corruption entre elles deux. Alors ô toi, celui ou celle qui sème la discorde entre les gens par ta langue, ayyuhan namam, toi qui t'es servi de ta langue pour rompre les bonnes relations entre les gens, ittaqillah azza wa jal, crains Allah jalla wa ala le Tout-Puissant, car iwallah, ton châtiment sera dur dans ta tombe, comme nous l'a montré le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Ta langue t'a fait accomplir cette horrible action, et elle ne t'apportera certes que des problèmes, si tu ne l'attaches pas. Et si tu ne la contrôles pas, et si tu ne maîtrises pas ce que tu dis, tu seras alors châtié dans ta tombe à cause de cette langue, et ce jusqu'au jour du jugement. Et écoutez désormais la punition qu'il subira le jour du jugement. L'imam al-Bukhari et l'imam muslim rapportent selon Hudayfa ibn al-Yaman que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, celui qui commet un namima ne rentrera pas au paradis. Tel est ce qu'a dit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et cela même s'il prie, et même s'il jeûne, et même s'il a fait son pèlerinage. Pourquoi? Il ne rentrera pas au paradis. Car mes chers frères et sœurs, an-namima rend les œuvres vaines, et rend les œuvres caduques et sans valeur. Alors, ayyuhan namam, ô toi qui as commis an-namima, précipite-toi et accours vers les personnes chez qui tu as semé la corruption et la discorde, et arrange chez eux les choses avant que la mort ne te surprenne, et avant que tu ne regrettes, et avant que ce regret ne te soit inutile. Et sachez, ayyuha l'ikhwa, que le fait de maintenir et d'arranger l'entente et la concordance entre les gens est quelque chose qu'Allah Jalla wa Ala apprécie et aime beaucoup. Car Allah Jalla wa Ala nous dit, « Wattaqullaha wa aslihu dhata baynikum » وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Craignez Allah et maintenez la concordance entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Et Allah Jalla wa Ala nous dit également: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Et il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une réconciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme. L'imam Abu Daoud et l'imam At-Tirmidhi rapportent avec une chaîne de transmission authentifiée par Cheikh Al-Albani, selon Abi Darda radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit à ses compagnons un jour: voulez-vous savoir ce qui est mieux que le degré du jeûne, de la prière et de l'aumône? Et alors on lui dit: bien sûr ya Rasulallah. Et alors il répondit alayhi salatu wasalam: le maintien de la bonne entente entre les gens. Donc ayyuhal akh, si tu arranges entre deux personnes qui sont en désaccord, qui sont en divergence et en conflit, sache que cet acte peut dépasser l'adoration surérogatoire en récompense. Et dans le hadith rapporté par l'imam At-Tabarani et par l'imam Al-Bazar, avec une chaîne de transmission bonne, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit un jour à Abi Ayyub Al-Ansari radiallahu anhu: ya Aba Ayyub, veux-tu que je te montre un commerce gagnant? Alors il lui dit: bien sûr ya Rasulallah. Et alors il dit alayhi salatu wasalam: maintiens la bonne entente entre les gens lorsqu'ils sont en désaccord et rapproche lorsqu'ils se sont séparés. Donc, ayyuha al-ikhwa, mes chers frères, il nous incombe de se précipiter et d'accourir vers la personne qui a abandonné son frère et de lui dire que ton frère n'a dit que du bien sur toi, et d'aller vers l'autre et de lui dire la même chose, même si ce n'est pas vrai, car ceci ne fait pas partie des mensonges. Et bien au contraire, ceci est une bonne œuvre. Ou bien même de lui dire que ton frère fait des invocations pour toi ou que ton frère t'aime pour Allah. Et alors que c'est possible qu'il ait dit du mal sur lui, mais ceci n'est pas un mensonge. Car l'imam al-Bukhari et car l'imam muslim rapportent, selon Umm Kalthoub bint Uqbah radiallahu anha, que le prophète alayhi salatu wasalam a dit: n'est pas un menteur celui qui maintient la bonne entente avec une bonne intention et la bonne parole. Donc ceci ne fait pas partie des mensonges. Et Allah jalla wa ala nous dit: innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Les croyants sont certes des frères. Établissez la bonne entente entre vos frères et craignez Allah afin que l'on vous fasse miséricorde. Et le messager d'Allah alayhi salatu wasalam, non seulement il enseignait la religion avec les propos et les paroles, mais également avec ses actions. Sallallahu alayhi wa sallam. En effet, l'imam al-Bukhari et l'imam muslim rapportent selon Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu. Celui-ci a dit: un jour le messager d'Allah alayhi salatu wasalam sortit avec ses compagnons vers Bani Amr ibn Auf, chez qui avait eu lieu une dispute. Et il sortit avec ses compagnons afin de rétablir la bonne entente entre eux. Et alors il resta alayhi salatu wasalam très longtemps jusqu'à la prière de l'Asr et les compagnons l'attendaient dans la mosquée. Et le hadith est très long. Pourquoi? Car les prescriptions du Coran étaient appliquées à leur époque et dans leur vie. Tout le contraire de notre époque. Car aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, nous avons malheureusement traduit le Coran par de l'écriture et de la bonne récitation uniquement. Sachez mes chers frères et sœurs, qu'an-namima, le fait de semer la discorde entre les gens, c'est ainsi beaucoup propagé à notre époque, et même à l'intérieur des familles les plus unies, qui n'en ont pas été épargnées, et elle fut ainsi la cause de la rupture des liens de parenté. On l'aperçoit également dans les administrations entre les employés, et même entre les gens cultivés, et alors forcément entre les gens ignorants. Et wallah, mes chers frères et sœurs, nous la trouvons également dans les mosquées, dans les maisons d'Allah et Azza wa Jal, et la preuve en est les disputes que l'on entend de plus en plus ces derniers temps. Et ce phénomène nécessite l'intention et l'effort des imams afin de le corriger, car elle constitue, wallah, une cause parmi les causes du châtiment de la tombe. Je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il purifie nos langues de namima et qu'il nous éloigne de cela comme il a éloigné l'Orient et l'Occident. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et en tenant ces propos, j'implore à Allah son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wahdah, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Mes chers frères et sœurs, vous avez certes entendu le danger d'un namima, du fait de semer la discorde entre les gens, un danger qui représente la cinquième cause du châtiment de la tombe. Quant à la sixième cause, amma sababu sadis min asbab adhab al-qabr, elle a été citée dans la suite du hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: tandis que l'autre ne prenait pas garde de se souiller en urinant. Alors ayyuha al-ikhwa, ainsi, le fait de ne pas prendre garde de se souiller en urinant est une cause parmi les causes du châtiment de la tombe. Et ainsi, mes chers frères et sœurs, remarquez que l'islam vous apprend même la façon d'uriner et la façon de se nettoyer et de faire sa toilette. Car certes, l'islam est une religion complète. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Et aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. Abu Dharr radiyallahu anhu dit: et wallah, le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous a pris tellement de science que lorsque l'on voyait un oiseau qui volait dans le ciel, il nous apprenait de cet oiseau une science. Sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ayyuha al-ikhwa, ne pas prendre garde de se souiller en urinant constitue la sixième cause du châtiment de la tombe. Et c'est pour cela que l'imam al-Bukhari a mis dans son recueil authentique un chapitre qu'il a nommé parmi les grands péchés le fait de ne pas prendre garde de se souiller en urinant. Ainsi, cette personne certes ne faisait pas attention aux gouttes d'urine qui touchaient ses vêtements, car il n'effectuait pas sa toilette intime, c'est-à-dire qu'il ne se purifiait pas après avoir uriné, et c'est pourquoi, s'il meurt dans cet état, il sera châtié dans sa tombe. L'imam ad-Daraqutni, rahimahullah, rapporte avec une chaîne de transmission authentifiée par Cheikh al-Albani, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salat wa salam a dit: faites attention à ne pas vous souiller avec l'urine, car la plupart des châtiments de la tombe ont été causés par ce péché. Faites attention à ne pas vous souiller avec l'urine, car la plupart des châtiments de la tombe ont été causés par ce péché. Donc il est obligatoire de ne pas se souiller de l'urine, car cela entraîne et cela cause le fait que la prière ne soit pas valable. Et ce, que tu urines debout ou assis. Et le fait d'uriner debout est autorisé. En effet, l'imam al-Bukhari rapporte, selon Hudayfa radiallahu anhu, celui-ci a dit: un jour, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam partit à côté d'une poubelle éloignée qui appartenait à des gens, puis le messager d'Allah alayhi salatu wassalam se tint debout et urina. Et les savants ont expliqué ce hadith en disant que le fait d'uriner debout est autorisé suivant des conditions. La première condition: qu'il ne dévoile pas ses parties intimes. La deuxième condition: qu'il soit sûr de ne pas se souiller son corps et ses vêtements avec l'urine. Et la troisième condition: qu'il n'urine ni en direction de la Qibla, ni en direction de l'opposé de la Qibla. Telles sont les conditions qui autorisent d'uriner debout. Et nous pouvons rajouter une quatrième condition, qui est de ne pas uriner dans les rues où les gens passent et dans les endroits où les gens se regroupent, comme par exemple dans les marchés, car il y en a beaucoup qui accomplissent cela. Et l'urine dont on parle ici est toute urine humaine et d'animal illicite, dont on n'a pas le droit de manger la viande. Mais en ce qui concerne l'urine des animaux dont on a le droit de manger, comme l'urine des chameaux, ou bien des vaches, ou bien des moutons, leurs urines sont propres. Et la preuve en est ce que l'imam al-Bukhari et l'imam muslim rapportent, selon Anas radiallahu anhu. Celui-ci nous dit: les gens de Urayna vinrent à Médine et y tombèrent malades. Et alors le messager d'Allah alayhi salat wa salam leur ordonna comme remède de prendre un mélange de lait et d'urine des chamelles. Ce hadith prouve ainsi que l'urine des chameaux n'est pas impure. Et il y a également une autre preuve, ce que l'imam Tirmidhi rapporte, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, priez dans les enclos, c'est-à-dire les bergeries, priez dans les enclos des moutons, mais ne priez pas dans les enclos des chameaux, car ils ont été créés à partir de shayatin. Et il n'y a aucun doute que la bergerie des moutons doit certainement contenir leurs urines et leurs excréments. Donc ces deux hadiths prouvent clairement que les urines des animaux licites ne sont pas impures. Donc si ces urines touchent le corps ou les vêtements, il n'y a pas de mal à cela. Par contre, l'urine de l'animal illicite ou l'urine de l'homme est impure. Et à ce sujet, les savants ont dit que les gouttes d'urine de l'animal illicite que l'on ne peut pas éviter ne font pas de mal si elles touchent les vêtements. Par exemple, l'urine de l'âne. Ainsi, les gouttes que l'on ne peut pas éviter sont pardonnées. Et ceci est l'avis favorable de l'avis des savants. Ayyuha al-ikhwa, mes chers frères et sœurs, le fait que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dise dans le hadith que l'on a cité au début du discours que ces deux morts qui étaient dans leur tombe subissaient un châtiment, ceci est une chose qui appartient au monde invisible et à laquelle nous nous devons de croire. Car les non-croyants ne cessent d'infliger des doutes pour ne pas croire à ce que nous a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et sachez que le fait de douter de cela est une chose dangereuse qui fait sortir celui qui l'accomplit de l'islam. Car celui qui nous dit cela n'est autre que le véridique. الذي لا ينطق عن الهوى, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Puis le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam à la fin du hadith ordonna qu'on lui apporte une branche de palmier qu'il cassa en deux et il planta une partie sur chaque tombe. Et on lui dit, ya Rasulallah, pourquoi as-tu fait cela? Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam, peut-être que ce geste-là pourra alléger leur châtiment jusqu'à ce que les branches soient desséchées. Et alors certains gens, malheureusement, qui n'ont pas de science, ont pris ce hadith comme preuve qu'il est bien de planter des branches vertes ou même des palmiers sur les tombes de leurs morts. Et nous avons certes vu cela de nos propres yeux. Et par cela, ils ont alors suivi les chrétiens jusqu'à mettre des fleurs sur leurs tombes, en prétendant que le prophète, alayhi salatu wassalam, a planté les deux branches de palmiers sur les deux tombes. Mais le fait que le prophète alayhi salatu wassalam a fait cela est particulier à lui, de par sa bénédiction et de par son invocation exaucée pour ses deux morts châtiés. Car si quelqu'un le fait avec son proche mort, comment aurait-il pu savoir qu'il se fait châtier dans sa tombe? Ceci fait partie du monde invisible, ayyuha al-ikhwa. Et sachez également qu'il n'y a aucune différence entre la branche verte et la branche desséchée. Et l'imam As-Suyuti s'est certes trompé lorsqu'il a dit que la branche verte glorifie elle Allah afin que le châtiment s'allège sur le mort, si le mort se fait châtier. Et ceci est certes faux, car Allah Jalla wa Ala nous dit يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre pas sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Donc toute chose glorifie Allah Jalla wa Ala. Et ceci comporte tout ce qui est vert et tout ce qui est desséché, tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas. Et la preuve en est ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a fait, cela du fait de sa bénédiction et du fait de son invocation, comme ce qu'a rapporté l'imam muslim selon Jabir radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis passé près de deux personnes dans leur tombe en train de se faire châtier et j'ai planté deux branches et je souhaite par mon intercession qu'Allah allège leur châtiment tant qu'elles ne se dessécheront pas, et non pas parce qu'elles étaient vertes. Mes chers frères et sœurs, craignez Allah Azza wa Jal et apprenez ainsi votre religion et préservez vos langues de namimah. Préservez vos langues du fait de semer la discorde entre les gens et protégez vos vêtements et vous-même des impuretés et de l'urine et apprenez ainsi les lois juridiques de la purification. Car certes, nous avons certes beaucoup besoin, nous sommes dans un grand besoin de revenir à la science religieuse de nos jours. Car certes, peu de gens ont appris cette science et de nombreuses personnes sont ignorantes. Et encore une dernière chose que nous souhaitons faire parvenir, il est tarik al-salat, à celui qui a abandonné totalement la prière. Que certes, si la personne qui accomplit ses prières, mais qui ne prend pas garde de se souiller avec l'urine, meurt dans cet état, Si cette personne sera châtiée dans sa tombe, qu'en est-il? Et que pensez-vous de celui qui a totalement abandonné la prière? Il urine comme un âne, wal'iyadu billah, et cette urine souille son corps et souille ses vêtements. Et alors il regroupe deux causes de châtiment. La première, le fait d'avoir délaissé la prière. Et la deuxième, le fait de se souiller avec l'urine. Alors certes, nous lançons un appel aux désobéissants. Et nous lançons un appel à ceux et à celles qui font la guerre contre Allah en permanence avec leurs péchés. Et nous leur rappelons que la mort est le seul rendez-vous entre nous et vous. Le jour où l'on vous fera entrer dans vos tombes. Et le jour où vous ne pourrez pas en sortir. Ce jour-là, vous vous souviendrez de ce que l'on vous a dit. Et vous vous souviendrez de ce que l'on vous a prévenu. As'alullah jalla wa ala bi asma'il husna wa sifatihil ula. Je demande à Allah jalla wa ala par ses noms parfaits et par ses attributs sublimes qu'il nous accorde la sincérité et qu'il nous guide vers la vérité dans nos paroles et nos actions. Et qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui suivent ce qu'elle contient de meilleur. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont tous les doués d'intelligence. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui ont suivi son chemin jusqu'au jour dernier, et notre dernière invocation, est que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.